Chapitre 14e. Coup de tête. Trois jours s'étaient écoulés. Armand avait reçu de M. Le Noël une lettre et du Fulminante une autre. Les deux lettres l'avaient mise au désespoir. Il voulut consulter Madeo ou Carlo, mais ni l'un ni l'autre ne se trouvaient là. Ils étaient partis tous deux pour une petite excursion, mais une demi-heure à peine s'était écoulée depuis que les lettres étaient arrivées lorsque Carlo arriva seul. Armand la prit et courut à sa chambre. « Comme vous avez l'air bouleversé !» s'écria le paysagiste. « Je suis effrayé de vous voir ainsi. » Armand, si calme qu'il ne s'agissait que de lui, était épouvanté. « Cher ami, » dit-il à Carlo, « voici deux lettres, lisez-les. » Le paysagiste lut et secoua la tête. « Mauvaise affaire » murmura-t-il. Puis tout à coup, « Bien réellement, n'êtes-vous pas riche ? » demanda-t-il avec un peu de défiance. « Je vous jure que non !» s'écria Armand. « Si j'étais un personnage aussi riche et aussi important que le croit le Fulminante, je paierais, tout serait dit, que faire ?» Détromper le Fulminante. « Comment ?»« Par notre ami Coulomerlo, l'aubergiste. J'ai idée que cet excellent aubergiste consentirait à remettre au Fulminante la lettre que vous lui écrirez pour l'éclairer. Écrivons vite et partons. » Armand écrivit une lettre très, très pathétique au Fulminante et la porta au Coulomerlo qui se chargea de la commission moyennant finance. Armand résolut de ne parler de rien à Fernande, mais au bout de 48 heures, il reçut une lettre de Fulminante qui mit le comble à son chagrin. Voici la terrible conclusion par laquelle elle se terminait. « J'ai pris mes renseignements, je sais à quoi m'en tenir. Rien au monde ne me fera changer de détermination quant au prisonnier. » Armand rendit compte de cette lettre à Carlo qui avait toute sa confiance. « Je suis résolu, dit-il, à parler moi-même au Fulminante. Il ne croit pas à ma lettre, mais il me croira moi, lui parlant. Je pars ce soir même. Sans sauf-conduit, je n'en ai pas besoin. Je veux dire loyalement au Fulminante quelle est notre fortune et je le laisserai libre de fixer la rançon. Mais mademoiselle Fernande, je la laisse en bonne main. La baronne est une mère pour elle et le père de la baronne, le comte Terezinski, saura la défendre et la protéger pendant ma courte absence. Je crois en effet, dit Carlo, qu'elle sera bien gardée par cette famille honorable. Toutefois, je n'approuve pas trop votre projet. Je n'irai pas là-bas. « Le Fulminante est connu, dit Armand. Jamais il ne voudra se parjurer. Quel intérêt y aurait-il du reste ? Prenez garde. Ma résolution est prise. Alors bonne chance. » Carlo serra la main du jeune homme et s'éloigna. Fernande, cependant, fut fort étonnée avant le déjeuner de voir rentrer la baronne chez elle. « Ma chère enfant, dit celle-ci, il y a dans la vie de graves circonstances où il vous faut montrer du courage. Vous allez avoir besoin de fermeté. »« Vous m'effrayez, madame, dit Fernande. » Serait-il arrivé quelque malheur à mon oncle ou à mon frère ? Parlez, j'aime mieux tout savoir immédiatement. Monsieur Armand, que j'aime comme un fils, dit la baronne, est parti sans me consulter, sans me dire au revoir, sans vous parler. Parti, s'écria Fernande. Il est allé dans la montagne pour parlementer avec le Fulminante. Il faut cependant ne pas s'exagérer le péril, ces bandits sont loyaux. Le Fulminante passe pour être extrêmement délicat dans les questions d'honneur. « Voici du reste une lettre de votre frère. » Fernande ouvrit la lettre en tremblant et lut, les larmes aux yeux. « Chère sœur, notre oncle doit être délivré. Mon devoir est de me rendre à une conférence avec le Fulminante. Je serais lâche en agissant autrement que je le fais et vous me mépriseriez. Je serais parti pendant 4 ou 5 jours au plus et je vous laisse aux soins de la famille Badziville qui vous protégera avec dévouement. Je vais comme si j'avais des ailes. Et je reviens avec notre oncle sans perdre une seconde. Je vous embrasse et vous aime de tout mon cœur. Laissons à votre droiture le soin de juger ma conduite en cette affaire. Votre tout dévoué, Armand. » Fernande eut un affreux serrement de cœur et fut torturée par un sombre pressentiment. « Je ne le reverrai jamais, » dit-elle. La baronne prodigua à Fernande des consolations qui laissèrent la pauvre enfant inconsolable. Dans la journée, Madame de Badziville sortit et se fit conduire dans un quartier fort retiré de Naples. Elle sonna à la porte d'une maison de très simple apparence. Elle se fit connaître, et un instant plus tard, la baronne était en présence de la comtesse Elora. « Quelle nouvelle ?» lui demanda celle-ci avec empressement. « Il est parti. »« Qui donc ? Armand ?»« Oui, parti. Où cela ?»« Pour un rendez-vous convenu avec le Fulminante. Il s'est mis en route ce matin. »« C'est impossible. » fit la comtesse. « Le Fulminante ne peut avoir pris de rendez-vous avec lui. » et sonnant, elle dit au domestique qui accourut « Mon pupitre !» On le lui apporta. Elle se mit à écrire un télégramme en signe conventionnel et le fit porter. « Il y a réponse » dit-elle au domestique. « Tu attendras !» Et quand elle fut seule, « Si le fulminante dans sa grotte, comme je le crois, nous aurons bientôt le mot de l'énigme. » Puis elle se fit raconter tous les détails que la baronne pouvait connaître. Celle-ci cependant s'étonnait que l'on pût télégraphier si facilement à un chef de bande. La comtesse lui expliqua combien c'était simple. « On a, lui dit-elle, le droit d'envoyer des dépêches chiffrées. Donc le secret est gardé. D'autre part, le fulminante a des affiliés chargés de recevoir les télégrammes. Ils savent où le trouver. Si par hasard, il avait quitté sa grotte, j'en serais aussitôt averti. La personne qui va recevoir mon télégramme m'indiquerait ce que je dois faire. » En effet, 2 heures à peine s'étaient écoulées que le domestique rapportait la réponse. Voici sa teneur. Attribue l'action du jeune homme à un coup de tête de sa part. Il vient à moi sans sauf-conduit. Les yeux de la comtesse rayonnèrent. « Enfin » s'écria-t-elle, « il est à nous. Le fulminante aura le droit de le retenir, et je pourrai enfin le tenir sous ma main. » La baronne sourit, connaissant le secret d'Elora. Elle lui demanda « Quand pourrais-je commencer à laisser agir le chevalier Badzivil ?»« Quand tu voudras. Je te recommande la prudence. »« Sois tranquille. Pour plus de sûreté, je vais alarmer la jeune fille sur le danger de coucher seule dans son appartement. Elle prendra une chambre communicante avec la mienne. »« Très bien, » dit la comtesse. Pendant la nuit, le chevalier Badi aura tout le temps d'agir sous nos yeux. Pas de précipitation. Il faut que mon vampire lui suce les tempes que peu à peu, très lentement. Elle mettra 2 mois à mourir. On attribuera cela au chagrin, à la consomption. Oh, j'ai bien compris. Quand ce sculpteur, Madeio, qui est amoureux d'elle, reviendra, veillez sur lui. Il ne faut pas que l'ombre d'un soupçon lui vienne. Il ferait savoir ses craintes au fulminante, et tout serait perdu, car ce brandy est un fin joueur qui dominerait tout. Je pars, moi. Pour la grotte, oui, dit Elora. Et ses prédictions? Qu'il m'aime, murmura-t-elle avec passion, qu'il m'aime et que les destins s'accomplissent. Il est désolant, ma pauvre sœur, dit la baronne, que cette passion te soit venue. Es-tu maîtresse de son cœur? Adieu, sœur. Elora, au revoir. Crois-tu qu'il ne te reconnaîtra pas? Jamais, dit-elle, c'est impossible. Depuis 2 mois, j'étudie les meilleurs moyens de changer ma tête en restant jolie. Les 2 sœurs s'embrassèrent et toutes 2 se séparèrent. L'une allait à ses amours, l'autre allait accomplir un épouvantable crime.